Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, je devrais commencer par saluer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs de la République, en vos différents rangs et qualités, officiers, sous-officiers militaires du rang, Mesdames, Messieurs les invités, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, c'est pour moi un grand plaisir de présider ce matin le 55e défilé sous la forme de la prise d'armes ici devant la place de l'indépendance, marquant le 55e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale. Je voudrais à cet instant précis renouveler mes félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme reconnu à travers le monde, pour leur engagement au service de la République et au service de la nation sénégalaise. J'ai eu à le dire lors de mon discours d'hier, encore une fois plus que par le passé, je mettrai à la disposition du grand commandement tous les moyens nécessaires à la réussite de la mission qui vous est confiée. Mission de paix, mission de sécurisation des personnes et des biens, mission de promotion de la paix à travers le monde. Le thème de cette année, la formation dans les écoles, dans les forces armées et focus sur les écoles de formation, est un sujet d'importance, car c'est à travers l'esprit que l'on forge le corps. Et nous avons vu combien nos écoles de formation militaire et paramilitaire ont contribué de manière déterminante à forger le militaire sénégalais, les forces de défense et de sécurité qui sont particulièrement bien appréciées. Cette année, le format a voulu être un format prise d'armes, puisqu'il faut bien le rappeler, derrière le défilé simple que nous voyons, il y a toute une préparation des mois durant qui nécessite l'immobilisation de personnel et de matériel. En ces périodes troubles, nous avions choisi cette année la prise d'armes. Mais je puis vous donner l'assurance, avec l'aide de Dieu, que 2016 marquera un défilé que jamais notre pays aura à organiser. Ce sera un défilé civil et militaire, motorisé, avec l'ensemble des moyens de projection et toute l'exhibition de la force de feu de nos armées et de nos services de sécurité. Voilà ce que je voudrais dire en quelques mots, tout en renouvelant mes félicitations au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Mamadou Sow, au général de division, au commandant de la gendarmerie nationale Mamadou Guèye Faye, ainsi qu'à l'ensemble des officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, mais également à l'ensemble des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police, de la douane, des parcs nationaux, des eaux et forêts, des services d'hygiène, qui a fait un excellent travail cette année avec la lutte contre Ebola aux côtés des personnels de santé du dit ministère. Je voudrais en tout cas défiler, et en particulier le prétendant militaire Charles Tchororé de Saint-Louis, mais également l'ensemble des écoles de formation de nos unités. Je vous remercie. Mbokku Sénégal bëssu tay bi di juroom fukkeli at ak juroom yu sunu réew moome boppam. Ñu def fi nag tey defile boo xam ne yàggul, ñu am ci ay waxtu génnee wuñu itam machine yi ak xarale yi, waaye defile la boo xam ne dañ ko tuddee prise d'arme, maanaam soldat yi ñoo ko def ak ñi nga xam ne ñoo ngi tuddee force de défense et de sécurité. Loolu nag li muy tekki mooy dafa am ci liggéey bu ñu ne, liggéey boo xam ne daanaka mu ngi waaj a sotti, gën a tax suñu réew Sénégal am armée nationale boo xam ne non seulement ci biir Sénégal waaye li ko wër ak ci àdduna bi taxawaayam ñëpp daañu ko rafetlu. Te pare nañu itam ci wàllu xarala, ci wàllu moyen, ci wàllu ay nit ngir joxe lépp loo xam ne mission boobu laaj na ko. Tey mën naa xam ne suñu armée pare na ko pas na dëwan nag bu ci yàlla àndee fas yéene naa ànd ci ak commandement bu armée bi, gendarmerie, police ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo yor wàllu sécurité ak défense, ñu boole ci civil yi pour ñu am fête nationale boo xam ne insha allah bu ñu fi yàlla bàyyee Sénégal du ko mos a organisé, tant su boobaa daañu mën a wane lépp loo xam ne tey mooy mandargalu armée bi ci at boobu muy 2016, waaye dana wane taxawaay bi ak réputation bi ak fépp foo xam ne waroon nañ fa taxaw ci àdduna bi, ci Afrique ak ci biir réew mi, ñu taxaw fa taxawaay yu rafet. Kon maa ngi dellu di kañ armée nationale bu Sénégal, ndax armée la bu xam liggéeyam, xam placeam ci ab démocratie, armée la bu jàppale askan wi, armée la itam bu am xarañ professionnalisme, am discipline. Kon nag gàcce ngalaama yéen way soldat si muy forces armées, gendarmerie ak sapeurs pompiers ak police ak mboolem ñi nga xam ni bu ñëpp toogee seen kër am noflaay, dafa fekk ñoom ñoo nekk ci biti ngir jàmm mën a sax ci Sénégal. Maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Wasalaam, bonne fête de l'indépendance.